Introduction. Première partie. Bonjour. Écoutez, s'il vous plaît. Je m'appelle Olivier Delon. Je suis français. Je suis professeur. Je parle français. Vous n'êtes pas français. Vous apprenez le français. Voilà un livre. Voilà une cassette.